Les personnalités de différents milieux, les personnes qui ont eu l'honneur de rencontrer le général Kim Jong-il et les peuples du monde, lui témoignent le respect pour avoir accompli les exploits pour la victoire de l'œuvre socialiste idéale de l'humanité. En signe de respect, plus de 170 pays, les institutions internationales et régionales lui ont offert plus de 40 000 présents et décerné plus de 380 ordres, médailles et titres d'honneur, ainsi que bon nombre de diplômes d'honneur.